بعد فترة عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في مكة يعانون أشد أنواع الاضطهاد والابتلاء. يأتي خباب بن الأرد رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه، فيجعل فرقتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد، ما دون عظمه من لحم وعصب، وما يصرفه ذلك عن دينه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وكان بلال رضي الله عنه يوضع على صدره الحجر الكبير في الرمضاء في شدة الحر، ويقال له: أكفر بمحمد، فما يزيد رضي الله عنه على قوله أحد أحد. وحاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في الشعب مدة طويلة، أصابهم فيها مجاعة شديدة، فأكلوا ما لا يمكن أكله، وهم مع ذلك صابرون حتى جاء نصر الله، وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة للمدينة، وقريش تحاول منعهم من الهجرة، حتى إنها همت بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفريق دمه بين القبائل. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما أرادت قريش، وأذن له بالهجرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يرافقه حتى لحق بالغار، وأخذت قريش تقتص أثرهما، ويمرون بالغار، فيصرفهم الله عز وجل عنه، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. فكانت تلك الهجرة فيصلا بين الحق والباطل، وأصبح المسلمون بعدها أعزة أقوياء، حتى علت كلمة الله ونصر الله عبده وجنده. عباد الله، إن في الهجرة من الدروس والعبر والفوائد ما يتعذر حصره، ولكن من أظهر ذلك وأوضحه فائدتين وعبرتين ماثلتين أمام كل ذي فكر راشد أو رأي سديد: الأولى أن العقيدة أغلى من الأرض، وأن التوحيد أسمى من الديار، وأن الإيمان أثمن من الأوطان، وأن الإسلام خير من كل متاع الدنيا. يبين ذلك خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه رضي الله عنه مهاجرين من الحمى المبارك ومن الحرم الآمن والأرض الطيبة فيها مراتع صباه ومرابع شبابه. ومفارقة الوطن عسيرة على المرء، لكنه صلى الله عليه وسلم خرج من هذه البلدة الطيبة مؤثرا رضا ربه وطاعة خالقه ومصلحة دينه ونشر عقيدته. وأما الثانية من الفائدتين فهي كمال اليقين بأن الله تعالى مع عباده المؤمنين الصادقين، يقين لا تزعزعه عواصف الباطل ولا يهزه تهديد أو وعيد. يبين ذلك جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فقال له صلى الله عليه وسلم مقولة تأخذ بمجامع القلوب وتصور الإيمان في أرفع مقاماته وأسمى درجاته، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأنزل الله سبحانه مصداق ذلك في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومعية الله لعباده المؤمنين تكون بتأييدهم وتوفيقهم وحفظهم ونصرهم، وهذا لأولياء الله المتقين المحسنين الذين بذلوا حق الله عليهم من توحيده في العبادة والبعد عن الشرك، ثم امتثلوا أوامره وانتهوا عما نهاهم عنه. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، هكذا كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لأجل نصرة الدين، نصرة دين الله وإعلاء كلمته. ليس القصد منها الرفاهية وراحة البدن والتنعم، وهكذا تكون هجرة المؤمنين إلى آخر الزمان. فهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، لمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، لمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر. وما معنى إظهار الدين يا عباد الله؟ إظهار الدين معناه الجهر به والدعوة إليه، الجهر به والدعوة إليه وبيان بطلان ما عليه الكفار. وليس معنى إظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ويتعبد ويسكت عن الدعوة إلى الله وإنكار الشرك والكفر. لو كان كذلك لبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وما احتاج إلى الهجرة، لأن المشركين لم يمنعوه أن يصلي ويتعبد، ولكنهم منعوه من الدعوة إلى الله وإبطال ما عليه الكفار والمشركون. عباد الله، إن من الناس اليوم من لا يعرف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنها ذكرى تمر كل عام وتقام بمناسبتها حفلات وخطب ومحاضرات لمدة أيام تنتهي وتنسى إلى مرور تلك الأيام من السنة القابلة، دون أن يكون لذلك أثر في سلوكهم وعملهم. ولذلك تجد بعضهم لا يهاجر من بلاد المشركين إلى بلد الإسلام كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بل على العكس، فإن الكثير منهم ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد المشركين لا لشيء إلا للترفه والعيش هناك بحرية بهيمية. إن ذكر الهجرة يجب أن تكون على بال المسلم طول السنة لا في أيام مخصوصة، فإن تحديد أيام مخصوصة للاحتفال بمناسبة الهجرة النبوية أو لتدارسها، وإن هذا التخصيص بدعة وكل بدعة ضلالة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا القرون المفضلة يعني ولا القرون المفضلة من بعدهم يخصون هذه المناسبة باحتفال يتكرر كل عام. وإنما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان يدرسون سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم للاقتداء بها غير متقيدين بوقت معين. تقربوا قليلا بارك الله فيكم، تقربوا قليلا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، تقربوا جزاكم الله خيرا، لأن الإخوة يأتون الآن ولا يجدون مكانا ليصلي سنة تحية المسجد بارك الله فيكم. ثم إن الهجرة هجرتان، الهجرة الأولى هجرة قلبية، هجرة بالقلب إلى الله بعبادته وحده لا شريك له، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه هي هجرة أو الهجرة الملازمة للمسلم في حياته كلها ولا يتركها أبدا. والهجرة الثانية هي الهجرة البدنية، وهي تتضمن الهجرة القلبية، وهذه الهجرة هي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وهذه الهجرة تجب على الحاجة عند الحاجة إليها. إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه في بلاد الكفر فيهاجر إلى بلاد الإسلام ويستقيم ويفر بدينه إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، serviteur d'Allah, je vous enjoins à moi-même ainsi qu'à vous-même à la piété envers Allah, à faire preuve de piété, c'est-à-dire à taqwa, de faire ce que Allah vous ordonne, de vous écarter de ce qu'il vous interdit, par espoir en sa récompense et par crainte de son châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous les hommes, faites preuve de piété envers votre Seigneur et craignez le jour dans lequel le Père ne répondra pas pour son Fils et aucun enfant n'aura à répondre de son Père en quoi que ce soit. Et certes, la promesse d'Allah est véridique, alors ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas et ne vous laissez pas tromper par le diable. Certes, pour l'homme insouciant, il voit les jours qui passent les uns après les autres et les nuits qui se succèdent les unes après les autres. Et pour lui, il n'y a rien de plus que la succession des jours qui se succèdent les uns après les autres et une vie qui se répète jour après jour. Et qu'est-ce qui distingue la vie de l'homme de la vie de l'animal, si c'est une vie pareille? L'être humain mange, l'animal mange. L'être humain respire, l'animal respire. L'être humain se reproduit, l'animal se reproduit. L'être humain cherche sa subsistance, l'animal cherche sa subsistance. L'être humain meurt, l'animal meurt. Donc si c'était juste ça la vie, qu'est-ce qui nous distingue de cet animal? Allah subhanahu wa ta'ala a élevé l'homme et a donné à l'homme ce qu'il n'a pas donné à l'animal. Malheureusement, beaucoup d'entre les hommes décident de ne pas utiliser ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné pour se distinguer de cet animal, c'est-à-dire la conscience, la raison, l'essence, l'ouïe et la vue, pour réfléchir, méditer, comprendre le but de son existence et adorer son Créateur et espérer à quelque chose de plus après la mort. Et donc, ce ne sont pas qu'une succession de jours qui passent, mais plutôt, ce sont des jours dans lesquels l'être humain est mis à l'épreuve et testé par son Créateur pour voir lequel d'entre eux va obéir et adorer son Seigneur. Un d'entre les sahabas disait à Abu Darda radiallahu anhu, ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours sur terre. Et lorsqu'un de ces jours est parti, c'est comme si une partie de toi-même était disparue. Et certains d'entre les pieux prédécesseurs parmi les sahabas, ils disaient, comment peut-on se réjouir des années qui passent alors que ton jour détruit ton mois et ton mois détruit ton année détruit ta vie lorsque tu n'es pas sur l'adoration d'Allah et sur l'obéissance de ton Créateur. Et comment quelqu'un pourrait-il se réjouir des années qui passent alors que chacune de ces années l'amène un peu plus proche de sa fin et de son terme? Et chacune de ces journées qu'il passe dans cette vie ne le rapproche que de sa mort. Et pourtant, les hommes se réjouissent à chaque année d'avoir une année de plus, alors qu'en réalité, ça ne fait que, en réalité, rajouter une année, plutôt enlever une année. C'est plutôt une année de moins. Et donc, selon le calendrier musulman, le calendrier de la Hijra, une année vient de se terminer et nous entrons maintenant dans une nouvelle année du calendrier islamique de l'an 1439 selon la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on réfléchit bien à toutes ces choses qui se produisent durant l'année, on comprend la sagesse par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les années et les jours et les mois à toutes sortes d'adorations et d'œuvres pieuses. Et il a fait que cette année commence par un mois sacré, le mois de Muharram. Et derrière nous, il n'y a pas longtemps, on vient de passer le Hajj et la Umrah et le jeûne de Arafat et le sacrifice de Eid al-Adha. Tout ça, ce sont des adorations que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites pour ses serviteurs. Et on ouvre cette nouvelle année avec le mois sacré de Muharram, qui est un des meilleurs mois à jeûner après le Ramadan. Il est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu. Il a dit que le meilleur jeûne après le Ramadan, c'est de jeûner durant le mois de Muharram. Et la meilleure prière à faire après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit. Et également, dans ce mois de Muharram, il y a le jour qu'on appelle le jour de Ashura. Et c'est le 10e jour du mois de Muharram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de Ashura, il dit, j'espère que celui qui le jeûne, Allah lui pardonnera et lui effacera ce qu'il a fait l'année précédente comme péché. C'est rapporté par l'imam muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que la sunna de jeûner le jour de Ashura, c'est de jeûner un jour avant ou un jour après. C'est-à-dire tu jeûnes le jour de Ashura, mais tu jeûnes avec celui-ci un jour avant ou un jour après. Et ça, c'est dans le but de se distinguer des juifs. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que les juifs jeûnaient le jour de Ashura pour célébrer le fait que Moussa alayhi salam ait été sauvé de Pharaon et qu'il ait pu sortir d'Égypte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nahnu awla bi Moussa minhum. On a plus de droits à Moussa alayhi salam que, puisque Moussa alayhi salam est un prophète parmi les prophètes de l'islam. Et donc, il a incité les musulmans à jeûner ce jour et à se distinguer en jeûnant un jour avant ou un jour après. Et avec cette nouvelle année qui commence, il est important également de se rappeler de la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a quitté la terre des mouchriquins vers la terre de l'islam, de Médine à l'époque, une terre musulmane où il pouvait être indépendant et établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir vécu toutes sortes de tortures et de difficultés de la part des mouchriquins. Je vous demanderai de vous rapprocher encore une fois pour faire un peu d'espace pour vos frères. Si à votre gauche ou à votre droite il y a de l'espace, essayez de vous rapprocher. Et si en avant de vous il y a de l'espace, essayez de vous avancer. Comme ça, il y aura de la place pour tout le monde. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi toutes sortes de difficultés, ainsi que les sahaba ridwanallahi alayhim. Et on a l'exemple de Bilal. On le mettait par terre au moment de la journée où il faisait le plus chaud. Et on sait que dans le désert, dans la région de la Mecque, lorsque c'est le zénith, que le soleil est au plus haut point, dans les temps de chaleur de l'été, il fait environ 50 degrés à l'ombre. Et on mettait Bilal ibn Abi Rabah sur le sol, et on lui mettait une pierre sur le torse, et on lui demandait de renier la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne répondait qu'en disant « Ahadun Ahad », c'est-à-dire « Allah est unique ». Il refusait donc de dire cette parole, mais c'est pour montrer la dureté des idolâtres, des mouchriquins qui torturaient les musulmans à l'époque. Également, comment la tribu de Quraysh ont fait beaucoup d'injustices aux musulmans et ils ont même boycotté et fait un embargo contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ainsi que Bani Hashim. Ils les ont privés de nourriture pendant une longue durée jusqu'au point où les gens commençaient à manger des choses qui ne sont même pas mangeables pour pouvoir rester en vie. Et c'est arrivé à un point tel que les gens de Quraysh ont même essayé de s'organiser pour assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour éviter que le tort retombe sur une tribu en particulier, ils ont réuni un jeune de chacune des tribus des Arabes pour partager le blâme et le sang de la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient organisé son assassinat. Et c'est à ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir permis à ses sahabas de faire la hijra, il a fait lui-même sa hijra de la Mecque vers Médine. Et il est parti avec Abu Bakr radiallahu anhu. Et il s'est réfugié dans une grotte en chemin. Et à ce moment-là, les mouchriquins sont arrivés à proximité de cette grotte. Et Abu Bakr radiallahu anhu, qui était caché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux regardait à son pied, il nous verrait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondait en disant: Ya Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes? Allah est leur troisième. Tu n'as rien à craindre. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Et donc ça a été cet événement qui est la hijra, a été le discernement et la séparation entre la vérité et le faux. Et c'est à partir de ce moment que les musulmans ont connu la puissance et la force, et que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé sa parole et a donné la victoire à ses serviteurs. Et donc il y a dans la hijra de nombreuses leçons et de nombreuses exhortations pour celui qui réfléchit. Et parmi les plus importantes, il y a le point que la aqida, la croyance, la foi, la foi en l'unicité d'Allah et en les principes de notre religion de l'islam, eh bien cette croyance islamique, elle est plus chère pour nous et elle a plus de valeur pour nous que nos pays, que notre terre natale, que l'endroit d'où nous venons. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a abandonné sa terre natale et tout ce qu'il possédait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait la hijra, il a émigré vers la terre de l'islam. Et c'est sûr que de se séparer de sa terre natale, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui demande un grand sacrifice. Mais lorsqu'on le fait pour notre Créateur, on le fait pour Allah, on le fait pour le bien de notre foi et de notre religion, et pour propager la foi en l'islam, la foi en Allah seul, c'est un sacrifice qui est nécessaire et qui est grand, mais en même temps qui est rempli de bienfaits et de récompenses. Deuxièmement, en même temps, ça montre à quel point le serviteur d'Allah est rempli de certitude et de conviction. Essayez de vous rapprocher encore. Je vois des espaces vides. Un peu de sacrifice. Jazakumullah khairan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette hijra qu'il a fait, il a fait de grands sacrifices et il a montré en même temps la grandeur de sa foi et de sa conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque il était dans cette grotte avec Abu Bakr radiallahu anhu. Et la réponse qu'il a donnée à Abu Bakr, Allah est notre troisième, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir peur. Allah est avec nous. Et ça, c'est pas la même chose lorsque quelqu'un émigre pour la dunya, hein, et lorsque quelqu'un émigre pour Allah. C'est deux choses différentes. Quand quelqu'un émigre pour la dunya, ça veut dire qu'il quitte un endroit pour aller vers un autre endroit, pas pour l'islam, pas pour renforcer sa foi ou propager l'islam. Non, il quitte son pays pour aller vers un autre pays uniquement pour avoir plus d'argent ou pour être plus à l'aise ou pour avoir plus de confort, hein, plus de sécurité matérielle. Mais ce n'est pas la même chose pour Allah. Et ce n'est pas la même chose pour les effets sur la foi aussi et sur la religion. Et je me rappelle même au début, lorsque je suis devenu musulman et j'étudiais l'islam avec un cheikh ici à Montréal, il m'a dit: Sulaiman, sache une chose, les musulmans qui sont venus ici au Canada, la grande majorité d'entre eux, ils ne sont pas venus ici pour propager l'islam. La grande majorité d'entre eux, ils ne sont pas venus ici pour Allah. Ils sont venus ici pour la dunya. Et c'est une réalité qu'on doit, on doit être honnête avec soi-même et admettre la réalité. Et c'est triste en même temps. Mais le fait de se rappeler entre nous des enseignements qu'il y a dans la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'importance de faire la hijra pour Allah, c'est quelque chose qui nous aide à se remettre en question chaque année. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté sa terre natale et il est allé vers Médine pour faire triompher la religion d'Allah, pour élever la parole d'Allah, et non pas pour avoir plus de luxe, ou bien pour avoir du confort, du repos, pour jouir des délices de la vie d'ici-bas. Et ça, c'est quelque chose qui distingue la hijra islamique de l'islam de la hijra pour la dunya, qui ne mérite pas d'être appelée hijra en réalité. C'est-à-dire que le musulman, il quitte la terre de mécréance vers la terre de l'islam. Et cette obligation de quitter la terre de la mécréance vers la terre de l'islam, c'est jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Et c'est dans le but de préserver sa religion. Celui qui est dans un endroit où il n'est pas capable de pratiquer ouvertement son islam, eh bien, pour lui, ça devient obligatoire de quitter l'endroit où il est pour aller dans un endroit où il pourra pratiquer ouvertement son islam. Et qu'est-ce que signifie de pratiquer ouvertement et de montrer son islam? Eh bien, ça ne veut pas dire, comme certaines personnes s'imaginent, de pouvoir prier, de pouvoir jeûner. C'est pas ça la liberté ou le fait de pouvoir pratiquer sa religion ouvertement. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, eh bien, les idolâtres et les mouchriquins de Quraysh n'ont pas empêché le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de prier et de jeûner. S'il voulait prier et jeûner seulement, il l'aurait laissé faire ça, sans problème. Mais la réalité de montrer la religion de l'islam, ça signifie en fait de pouvoir appeler ouvertement les gens, les non-musulmans et les musulmans à l'islam. C'est ça de montrer l'islam. C'est de pouvoir dire ouvertement aux gens, l'islam est la religion de la vérité. Votre croyance ou vos religions, elles sont erronées, elles sont fausses. La seule religion qui est vraie et qu'Allah accepte, c'est l'islam. La seule foi qui est valable, c'est la foi en l'unicité d'Allah et en le tawhid d'Allah et la foi en les messagers. Et de suivre l'exemple des messagers, c'est ça la vraie religion. Et de pouvoir dire ça ouvertement, haut et fort, sans aucune crainte. Si tu peux faire ça, tu peux appeler les koufars à l'islam et leur dire clairement que leur religion est une religion de shirk et de kouf et elle est fausse. Ça veut dire que tu as la capacité et la possibilité de pratiquer ouvertement ta religion. C'est ça la réalité de pouvoir montrer sa religion. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas faire ça ouvertement, alors dans ce cas-là, ça devient une obligation pour toi de quitter cet endroit-là pour aller dans un endroit où tu peux le faire. Sinon, si tu es dans un endroit où tu as la capacité d'appeler ouvertement à l'islam et de montrer la fausseté de la religion des koufars et des mouchriquins et que tu as cette liberté-là, dans ce cas-là, ce n'est plus une obligation pour toi de faire la hijra, d'aller dans un pays musulman, mais ça devient quand même quelque chose qui est recommandé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est préférable pour le musulman que de rester dans un pays où il sera faible et minoritaire et où il va subir beaucoup de difficultés pour pratiquer sa religion. Tandis que dans un pays musulman, il peut pratiquer sa religion et en toute sécurité et en toute facilité, et les structures dans le pays sont basées sur l'islam. Il entend l'adhan, il fait sa salat. S'il meurt, il est enterré dans un cimetière musulman. S'il meurt, son héritage est séparé selon les règles de l'islam. S'il meurt, la société, ses parents et ses proches s'occupent de sa famille, de ses enfants, de ses proches. Il y a le lien de parenté qui est préservé et qui est gardé. Et toutes ces règles de l'islam qui sont mises en application. Tandis que ça, ces choses-là n'existent pas dans les pays non musulmans. Et donc, il faut réfléchir à ça. Et pour le bien de notre propre religion à nous et celle de nos enfants. Donc, c'est important de se rappeler de ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.